Ces vers-là sont fort beaux. Comment? Madame, me moquer? Quoique son rival, je trouve ces vers admirables et ne les appelle pas seulement deux strophes comme vous, mais deux épigrammes aussi bonnes que toutes celles de Martial. Quoi? Martial fait-il des vers? Je pensais qu'il ne fit que des gants. Ce n'est pas ce Martial-là, madame. C'est un auteur qui vivait il y a 30 ou 40 ans. Monsieur Thibaudier a lu les auteurs, comme vous le voyez. Mais allons voir, madame, si ma musique et ma comédie, avec mes entrées de ballet, pourront combattre dans votre esprit les progrès des deux strophes et du billet que nous venons de voir. Il faut que mon fils le comte soit de la partie, car il est arrivé ce matin de mon château avec son précepteur que je vois là-dedans. Scène 6. Monsieur Bobinet, Monsieur Thibaudier, la comtesse, le vicomte, Julie, André, Criquet. Hola, Monsieur Bobinet, Monsieur Bobinet, approchez-vous du monde. Je donne le bon vêpre à toute l'honorable compagnie. Que désire Madame la comtesse d'Escarbagnas de son très humble serviteur Bobinet? À quelle heure, Monsieur Bobinet, êtes-vous parti d'Escarbagnas avec mon fils le comte? À 8h15, madame, comme votre commandement me l'avoir ordonné. Comment se portent mes deux autres fils, le marquis et le commandeur? Ils sont, Dieu grâce, madame, en parfaite santé. Où est le comte? Dans votre belle chambre à alcôve, madame. Que fait-il, monsieur Bobinet? Il compose un thème, madame, que je viens de lui dicter, sur une épître de Cicéron. Faites-le venir, monsieur Bobinet. Soit fait, madame. Ainsi que vous le commandez. Ce monsieur Bobinet, madame, a la mine fort sage, et je crois qu'il a de l'esprit. Scène 7. La comtesse, le vicomte, Julie, le comte, monsieur Bobinet, monsieur Thibaudier, André, Criquet. Allons, monsieur le comte, faites voir que vous profitez des bons documents qu'on vous donne. La révérence à toute l'honnête assemblée. Comte, saluez madame. Faites la révérence à monsieur le vicomte. Saluez monsieur le conseiller. Je suis ravi, madame, que vous me concédiez la grâce d'embrasser monsieur le comte, votre fils. On ne peut pas aimer le tronc qu'on aime aussi les branches. Mon Dieu, monsieur Thibaudier, de quelle comparaison vous servez-vous là? En vérité, madame, monsieur le comte a tout à fait bon air. Voilà un jeune gentilhomme qui vient bien dans le monde. Qui dirait que madame eut un si grand enfant? Hélas, quand je le fis, j'étais si jeune que je me jouais encore avec une poupée. C'est monsieur votre frère, et non pas monsieur votre fils. Monsieur Bobinet, ayez bien soin au moins de son éducation. Madame, je n'oublierai aucune chose pour cultiver cette jeune plante dont vos bontés m'ont fait l'honneur de me confier la conduite. Et je tâcherai de lui inculquer les semences de la vertu. Monsieur Bobinet, faites-lui un peu dire quelques petites galanteries de ce que vous lui apprenez. Allons, monsieur le comte, récitez votre leçon d'hier au matin. Omne viroseli quod conveni testo virile. Omne viri. Fi, monsieur Bobinet, quelle sottise est-ce que vous lui apprenez là? C'est du latin, madame, et la première règle de Jean des Potères. Mon Dieu, ce Jean des Potères-là est un insolent, et je vous prie de lui enseigner du latin plus honnête que celui-là. Si vous voulez, madame, qu'il achève, la glose expliquera ce que cela veut dire. Non, non, cela s'explique assez. Les comédiens envoient dire qu'ils sont tout prêts. Allons-nous placer. Monsieur Thibaudier, prenez madame. Il est nécessaire de dire que cette comédie n'a été faite que pour lier ensemble les différents morceaux de musique et de danse dont on a voulu composer ce divertissement et que... Mon Dieu, voyons l'affaire. On a assez d'esprit pour comprendre les choses. Qu'on commence le plus tôt qu'on pourra et qu'on empêche, s'il se peut, qu'aucun fâcheux ne vienne troubler notre divertissement. Après que les violons ont quelque peu joué et que toute la compagnie est assise... Scène 8. La comtesse, le comte, le vicomte, Julie, monsieur Arpin,